Satisfaction des Rolling Stones sur RGM, un peu plus de 8h37. On parle tout de suite anniversaire. Il s'en est un 18 décembre 1938, naissance de Roger Amos Lee, acteur américain connu pour son rôle de Terry Calvin dans la série télé Magnum. 1943, naissance de Keith Richards, musicien britannique, guitariste du groupe Rolling Stones. 1946, naissance de Steven Spielberg, réalisateur, scénariste, producteur américain. Réalisateur des films suivants. Allez, c'est parti. Les Dents de la Mer, Rencontre du Troisième Type, Les Aventuriers de l'Arche Perdue, E.T. l'Extraterrestre, Indiana Jones et le Temple Maudit, Indiana Jones et la Dernière Croisade, Hook ou la Revanche du Capitaine Crochet, Jurassic Park 1 et 2, La Liste de Schindler, Il faut sauver le soldat Ryan, AI, Intelligence Artificielle, Minority Report, Arrête-moi si tu peux, La Guerre des Mondes, Munich, Indiana Jones et le Royaume du Crâne de Cristal, Les Aventures de Tintin, Le Secret de la Licorne, Lincoln, Patagon Papers, Ready Player One, Indiana Jones 5, sortie prévue pour 2020, scénariste de Rencontre du Troisième Type, Poltergeist, Les Goonies, AI, Intelligence Artificielle, producteur d'E.T. l'Extraterrestre, Poltergeist, La Liste de Schindler, Il faut sauver le soldat Ryan, AI, Intelligence Artificielle, Arrête-moi si tu peux, Mémoire d'une Geisha, Munich, Mémoire de nos pères, Les Aventures de Tintin, Lincoln, Patagon Papers, producteur délégué des Gremlins 1 et 2, De Retour vers le Futur 1, 2 et 3, Qui veut la peau de Roger Rabbit, Men in Black 1, 2 et 3, Le Masque de Zorro, Jurassic Park 3, La Légende de Zorro, Transformers 1, 2, 3, 4 et 5, Jurassic World ainsi que Jurassic World Fallen Kingdom, Bumblebee, sortie prévue pour la semaine prochaine, les séries Urgence, Falling Skies, Smash, Under the Dome ou encore Bull. Et en tant que récompense, eh bien, il a reçu l'Oscar du meilleur film et du meilleur réalisateur pour La Liste de Schindler, Oscar du meilleur réalisateur pour le film Il faut sauver le soldat Ryan. 1948, naissance de Laurent Voulzy, chanteur français. 1951, naissance de Papé Diouf, journaliste sportif, dirigeant de club de foot franco-sénégalais qui fut président de l'Olympique de Marseille de 2005 à 2009. 1954, naissance de Ray Liotta, acteur américain vu dans Les Affranchis dans le rôle de Henry Hill, Hannibal dans le rôle de Paul Chandler ou encore la série télé Shades of Blue dans le rôle du capitaine Matt Wozniak. 1963, naissance de Pauline Esther, chanteuse française, dont on écoute un extrait de son titre « Oui, je l'adore ». Voilà pour l'extrait de Pauline Esther, une petite pause qui nous a fait du bien. J'ai pu reprendre mon souffle pour continuer les anniversaires et on va rester en 1963 avec la naissance de Brad Pitt, acteur américain vu dans Thelma et Louise dans le rôle de Gigi et Au milieu coule une rivière, Entretien avec un vampire dans le rôle de Louis de Pointe du Lac, Seven, L'armée des douze singes, Ennemi rapproché, 7 ans au Tibet dans le rôle d'Henry Scharrer, Rencontre avec Joe Black dans le rôle de Joe Black, Fight Club, Spy Game, Jeu d'espion, La la trilogie hein, des Ocean dans le rôle de Rusty Ryan, dans le film 3 dans le rôle d'Achille, dans Mr. and Mrs. Smith hein, dans le rôle de John Smith, vu dans Babel, l'étrange histoire de Benjamin Button dans le rôle de Benjamin Button, Inglourious Basterds dans le rôle du lieutenant Aldo Raine, The Tree of Life, World War Z dans le rôle de Jerry Lane, 12 Years a Slave dans le rôle de Bass, Fury dans le rôle de War Daddy, producteur du film Les Infiltrés, Kick-Ass 1 et 2, The Tree of Life, World War Z, 12 Years a Slave, récompensé par l'Oscar du meilleur film, partagé hein, avec Dede Garner, Jeremy Clenner et Steve McQueen ou encore Anthony Katagas. Et vu à la télévision dans les séries Dallas, 21 Jump Street ou encore Friends. 1964, naissance de Frédéric Deban, comédien français connu pour son rôle de Grégory Lacroix, dans Sous le Soleil et Sous le Soleil de Saint-Tropez. 1968, naissance de Casper Van Dien, acteur américain, vu dans le film Tarzan et la Cité Perdue, dans le rôle de Tarzan, alias John Clayton. Vu également dans Sleepy Hollow, la légende du cavalier sans tête, dans le rôle de Bram Von Brunt. Dans la série Titan, dans le rôle de Chandler Williams, ou encore Monk, dans quelques épisodes, dans le rôle du lieutenant Stephen Albright. 1969, naissance d'Alexia Laroche-Joubert, productrice animatrice télé française. 1975, naissance de Sia, chanteuse australienne, dont on écoute tout de suite un extrait du titre Helium. Voilà pour l'extrait de Sia. On continue. 1976, naissance de Véronique Dicker, imitatrice et chanteuse canadienne. 1978, naissance de Katie Holmes, chanteuse actrice américaine. Vue dans Fun Game, Batman Begins dans le rôle de Rachel Dawes, la série télé Dawson dans le rôle de Joey Potter, ou encore How I Met Your Mother. 1980, naissance de Christina Aguilera, chanteuse américaine. On écoute tout de suite un extrait du titre Beautiful. Voilà pour l'extrait de Christina Aguilera en 1989. C'était la naissance d'Ashley Benson, actrice et mannequin américaine, vue dans la série Des Jours et des Vies dans le rôle d'Abby Devereaux, 7 à la maison, Supernatural, Pretty Little Liars dans le rôle d'Anna Marine ou encore Ravensrood dans le rôle d'Anna Marine également. En 2001, on apprenait le décès de Gilbert Bécaud, chanteur, compositeur et pianiste français, dont on écoutera une chanson en fin d'émission. Mais là, on va écouter Laurent Voulzy avec Le Pouvoir des Fleurs. Je me souviens, on avait des projets pour la terre, pour les hommes comme la nature. Faire tomber les barrières, les murs, les vieux parapets d'Arthur. Fallait voir, imagine notre espoir. On laissait nos cœurs au pouvoir des fleurs jasmin, lila. C'était nos divisions, nos soldats, pour changer tout ça. Changer le monde, changer les choses, avec des bouquets de roses. Changer les femmes, changer les hommes, avec des géraniums. Je me souviens, on avait des chansons, des paroles, comme des pétales et des corolles. J'écoutais en rêvant la petite fille au tourne-disque fort. Le parfum, imagine le parfum. L'Éden, le jardin, c'était pour demain. Le pouvoir des fleurs de Laurent Voulzy sur le 107 FM. À presque 8h50, on parle météo. La météo. Alors, ce matin, il y a pas mal de nuages avec peut-être encore du brouillard par endroit. Soyez vigilants. Mais sinon, on aura une journée sous le signe des éclaircies. Des températures comprises entre 0 et 1 degré ce matin, entre 5 et 7 degrés cet après-midi. Pour mercredi, ce sera de la pluie avec des températures comprises entre 3 et 4 degrés le matin, entre 6 et 8 degrés l'après-midi. Jeudi, de la pluie également avec des températures comprises entre 4 et 5 degrés le matin, entre 6 et 8 degrés. Prévu pour jeudi après-midi, et avec le temps qui a fait ces derniers jours et la neige qui est un petit peu tombée, eh bien la bonne nouvelle, ce sera pour les skieurs, puisque le domaine skiable de Gérardmer va ouvrir partiellement à partir du vendredi 21 à 9h. Voilà, donc on passe maintenant à l'actu sportive. Les résultats sportifs. Et on va parler football. On a beaucoup de choses à dire. On commence avec la Ligue 2. Metz qui s'est imposé 2-0 hier soir à Valenciennes. En Ligue 1 ce soir, Caen reçoit Toulouse. Ce soir toujours en Coupe de la Ligue, Orléans reçoit le Paris Saint-Germain. On connaît les affiches de la Ligue des Champions et de l'Europa League. En Europa League, Rennes recevra le Betis Séville. Chelsea, hein, l'équipe d'Olivier Giroud, encore de N'Golo Kanté, se déplacera à Malmö. Enfin, affrontera Malmö puisqu'il y aura un match retour. Et l'équipe d'Arsenal de Laurent Koscielny affrontera le Baté Borisov. Et en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain affrontera Manchester United. Match plutôt abordable pour le PSG, contrairement à l'Olympique Lyonnais qui est tombé sur le FC Barcelone. Les autres rencontres, il y aura l'AS Rome face au FC Porto, Tottenham opposé au Borussia Dortmund, l'Ajax d'Amsterdam opposé au Real Madrid, Liverpool opposé au Bayern Munich, l'Atlético Madrid d'Antoine Griezmann affrontera la Juventus de Turin de Blaise Matuidi et Cristiano Ronaldo, et enfin Manchester City affrontera le club de Schalke 04. Un mot de basket maintenant avec les résultats de NBA. L'équipe de New York de Tilikina à 9 points s'est inclinée 110 à 128 face à l'équipe de Phoenix. L'Utah Jazz de Rudy Gobert à 18 points et 13 rebonds s'est incliné face à Houston 102 à 97. Et enfin, l'équipe d'Oklahoma de Luau Cabarro, qui a seulement joué 2 minutes 53 et il y a un rebond dans ses stats, s'est imposée 121 à 96 face à l'équipe de Chicago Bulls. Et du côté de chez nous en National 1, le Jet Vosges se déplace à Feur ce soir. Et on termine avec le tennis. On connaît le nouveau nom du capitaine de Coupe Davis. Il s'agit de Sébastien Grosjean, hein, qui était donc nommé hier capitaine de Coupe Davis et également responsable de la délégation masculine olympique aux Jeux Olympiques de 2020. Voilà pour l'actu sportive. On marque tout de suite la dernière pause musicale avec Gilbert Bécaud. Et le titre est maintenant. Et maintenant, que vais-je faire de tout ce temps? Que sera ma vie de tous ces gens qui m'indiffèrent maintenant que tu es parti? Toutes ces nuits, pourquoi, pour qui? Et ce matin qui revient pour rien? Ce cœur qui bat, pour qui, pourquoi? Qui bat trop fort, trop fort. Et maintenant, que vais-je faire? Vers quel néant glissera ma vie? Tu m'as laissé la terre entière, mais la terre sans toi, c'est petit. Mes amis, soyez gentils, vous savez bien que l'on n'y peut rien. Même Paris crève d'ennui, toutes ces rues me tuent. Et maintenant, que vais-je faire? Je vais en rire pour ne plus pleurer. Je vais brûler des nuits entières. Au matin, je te haïrai. Et puis un soir, dans mon miroir, je verrai bien la fin du chemin. Pas une fleur et pas de pleurs au moment de l'adieu. Je n'ai vraiment plus rien à faire. Je n'ai vraiment vraiment plus rien. Gilbert Bécaud avec le titre. Et maintenant, il est presque 8h57 et c'est déjà l'heure de se dire au revoir. Mais avant de se quitter, eh bien, on fait un point sur ce qui vous attend aujourd'hui à 9h. Un autre épisode apparemment de Durablement Vôtre. À 13h30, la rediffusion de Minute Bonheur avec l'IA. 14h, rediffusion de l'émission Les Oreilles du Monde. 16h, rediffusion de Débat Déo. 18h, l'heure des loups avec Lou consacrée à l'atelier d'écriture de Mirecourt. 20h, la parole est à vous avec Michel. 22h, j'ai mais je vous le lis avec Dominique. 23h, 20 Flight Rock, c'est du rockabilly. Et nous, eh bien, on se retrouve demain matin, même heure, même endroit. Excellente journée à tous. Bye bye.